الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre du savant Hanbali, Ali ibn Aqil al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, intitulé Fusul al-Adab ومكارم الأخلاق المشروعة، chapitre sur les politesses et les nobles comportements légiférés. Nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, un chapitre dans lequel il a exposé les pratiques inhérentes à la fitra. Et la fitra, certains l'ont expliqué en disant qu'elle correspond à la sunna, c'est-à-dire la tradition. Et d'autres ont dit que c'est la création première, c'est-à-dire la nature première d'une chose. Et Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah ta'ala, a dit que la fitra est ce qu'Allah a rendu naturel chez les créatures. C'est-à-dire que il a rendu naturel pour eux de faire certaines choses et de réprouver sur leur corps ce qui ne fait pas partie de la beauté. Et d'autres ont dit que la fitra correspond aux anciennes traditions qui ont été choisis par les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et sur lesquels ont été unanimes l'ensemble des législations, au point de devenir une chose naturelle comme si les hommes avaient été créés sur cela. Ceci est donc l'explication donnée par les gens de science au sujet de la fitra, que l'on traduit parfois par la saine nature. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a évoqué ce sujet ici dans ce livre sur le comportement, bien qu'habituellement les gens de science mentionnent ce qui est lié aux pratiques inhérentes à la fitra dans les livres de fiqh, au chapitre des ablutions, dans le livre de la purification. Mais il se peut qu'il ait mentionné cela ici, avec les politesses et les nobles comportements, afin de nous montrer et nous expliquer que la religion de l'islam, de la même manière qu'elle englobe l'appel au noble caractère et au bon comportement, elle englobe également des comportements éminents qui sont en adéquation avec la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Et elle appelle aussi à tout ce qui comprend la perfection de la propreté et de la purification et du fait de soigner son apparence. C'est donc pour cela certainement que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué ce sujet dans ses chapitres sur le comportement et les nobles caractères. Il a donc dit « Faslun wa asharatun min al-fitra » 10 choses font partie de la fitra, comme cela est venu dans le hadith de Aisha radiyallahu anha, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, dans laquelle elle a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « 10 choses font partie de la fitra. Se tailler la moustache, laisser pousser la barbe, la pratique du siwak, se rincer le nez avec de l'eau, se couper les ongles, se laver les plis des doigts, s'épiler les aisselles, se raser la pilosité pubienne et le fait de se nettoyer avec de l'eau, c'est-à-dire après les besoins. » Et un des rapporteurs du hadith a dit « J'ai oublié le 10e ». Mais c'est certainement al-madmada, le fait de se rincer la bouche avec de l'eau. Et d'autres savants ont dit que le 10e est certainement la circoncision qui est venue dans d'autres hadiths, comme on va le voir, inshallah ta'ala. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, ont rapporté un autre hadith au sujet des pratiques inhérentes à la fitra, il y est fait mention de la circoncision. Donc l'auteur, rahimahumallah ta'ala, nous dit au sujet de ces 10, que khamsun fil ras wa khamsun fil jasad, 5 sont sur la tête ou sont liés à la tête et 5 sont liés au corps. Et toutes ces pratiques ont pour objectif la perfection de la propreté et de la purification et de retirer tout ce qui pourrait être une cause de réunion et d'accumulation des saletés et des souillures sur le corps de la personne. Donc il dit « Fallati firras » celles qui sont sur la tête, qui concernent la tête. « Al-malmada » والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية. Les cinq qui sont sur la tête sont al-madmada, le fait de se rincer la bouche avec de l'eau, wal-istinshaq, le fait de se rincer le nez avec de l'eau, la pratique du siwak, le fait de se tailler la moustache et de laisser pousser librement sa barbe. Donc concernant al-madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche lors des ablutions et de la faire bouger afin de rincer sa bouche. À partir du moment où tu as rentré de l'eau dans ta bouche et que tu l'as remué, ceci est suffisant pour que tes ablutions soient valides. Et ce n'est pas une condition que l'eau atteigne l'ensemble de ta bouche. Mais si tu l'as fait atteindre l'ensemble de ta bouche, alors ceci est ce qu'il y a de meilleur et de plus complet. Al-istinshaq, c'est le fait d'introduire de l'eau dans ton nez en l'inspirant. Et comme pour la bouche, à partir du moment où tu as inspiré de l'eau avec ton nez, et que cette eau s'est introduite dans ton nez, alors ceci est suffisant, inshallah ta'ala. Et le mieux et le plus complet est que ceci aille jusqu'au fond du nez. Et ces deux premiers points, al-madmada et al-istinshaq, le rinçage de la bouche et du nez, font donc partie des actions que l'on accomplit durant les ablutions. Et ceci est une obligation pour toute personne lors de sa purification, que ce soit lors des ablutions ou lors du ghusl, le grand lavage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Il a dit, lorsque tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. Et dans un autre hadith, il a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il mette de l'eau dans son nez, puis qu'il la fasse ressortir. Donc ceci fait partie des obligations des ablutions. Et il est recommandé d'insister lors du rinçage de la bouche et du nez, sauf si la personne est en état de jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu es en état de jeûne. Car le jeûneur, s'il insiste en faisant cela, il se peut que l'eau atteigne sa gorge et c'est pour cela que cette action est pour lui détestable, c'est-à-dire le fait d'insister et non pas le rinçage qui reste légiféré même s'il jeûne. La troisième pratique, concernant les pratiques inhérentes à la fitra, liées à la tête, c'est la pratique du siwak, qui est l'utilisation de ce petit bâtonnet afin de se nettoyer la bouche. Et as-siwak, il désigne le bâtonnet et il désigne également l'utilisation de ce bâtonnet pour purifier sa bouche. Et la pratique du siwak a de nombreux avantages. Parmi elles, le fait que c'est une purification pour la bouche. Cela renforce les dents, cela renforce les gencives et cela aide à la digestion et d'autres bénéfices qu'ils ont mentionnés. Et parmi les plus grands avantages, il y a le fait que la pratique du siwak te permet d'obtenir l'agrément du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. En effet, Aisha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pratique du siwak est un moyen de se purifier la bouche et d'obtenir l'agrément du Seigneur. » C'est donc une pratique qui est recommandée. Et celle-ci est recommandée en utilisant un bâtonnet d'arak. Et il est possible d'utiliser un autre bâtonnet semblable. Et le mieux est qu'il soit tendre, humide, et qu'il ne s'effrite pas et ne blesse pas la bouche. Et est-il permis, et obtient-on le mérite de l'utilisation du siwak, si on se purifie la bouche avec une brosse à dents et du dentifrice? Certains savants ont dit qu'à partir du moment où on atteint l'objectif recherché à travers l'utilisation du siwak, qui est la purification de la bouche, alors cela permet d'obtenir le mérite de l'utilisation du siwak. Toutefois, le mieux reste l'utilisation du bâtonnet d'arak, car c'est cela qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce bâtonnet peut être transporté avec toi en tout endroit et en tout lieu, alors qu'il n'est possible de te brosser les dents avec du dentifrice que en certains endroits, contrairement au bâtonnet que tu peux utiliser où que tu sois. Et les gens de science ont mentionné que le siwak est recommandé de manière générale, c'est-à-dire à tout moment de la nuit ou du jour. Comme le démontre la généralité du hadith de Aisha radiallahu anha qui a dit « Le siwak est un moyen de purifier sa bouche et d'obtenir l'agrément du Seigneur. » Et cela est recommandé également pour la personne, même si elle se trouve en état de jeûne. Elle peut l'utiliser en début de journée ou en fin de journée, sans distinction à ce sujet. Et ce car, la pratique du siwak a été recommandée de manière générale, sans distinction entre celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas. Et le siwak est plus particulièrement recommandé à certains moments. Le premier est lors de l'accomplissement des ablutions, et plus particulièrement au moment du rinçage de la bouche. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith « Si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak avec chaque ablution. » Il est aussi particulièrement recommandé avant la prière, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Comme le démontre le hadith authentique, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque prière. » Les gens de science ont dit également qu'il est recommandé lors de la récitation du Coran. Et ce car, lorsque le serviteur récite le Coran, il fait cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc un acte d'adoration qu'il pratique avec sa bouche. Il est donc recommandé pour le serviteur de se présenter sous son meilleur aspect et purifié de la meilleure manière. C'est pour cela que il est recommandé de pratiquer le siwak avant la lecture du Coran. Les gens de science ont mentionné aussi que le siwak est particulièrement recommandé lors du changement d'haleine. Et ce car, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha, un des objectifs de la pratique du siwak est la purification de la bouche. Donc, si l'haleine change, il sera recommandé d'utiliser le siwak. Il est recommandé également lorsque la personne se réveille, comme cela est rapporté dans le hadith authentique d'après Hudhayfa, radiyallahu anhu, qui a dit « Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, il nettoyait sa bouche avec le siwak. » Il frottait sa bouche avec le siwak. Également, parmi les moments recommandés pour la pratique du siwak, il y a lorsque la personne rentre chez elle. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala d'après Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit « Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait chez lui, il commençait par le siwak. » Il commençait par le siwak. Et il y a en cela un bénéfice immense, qui est le fait que il rentre chez lui et va se retrouver auprès de son épouse. Il va donc se présenter à elle sous sa meilleure apparence. Et c'est pour cela qu'il va se purifier la bouche. Et il y a en cela une leçon immense pour l'ensemble de nos frères qui pourraient négliger cela lorsqu'ils rentrent chez eux. Il est important, lorsque tu t'apprêtes à retourner auprès de ta famille, de veiller à te présenter sous ta meilleure apparence. Et tu as pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il entrait chez lui, commençait par le siwak. Enfin, les gens de science ont mentionné qu'il est également recommandé d'utiliser le siwak à l'approche de la mort. Comme cela est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort, a utilisé le siwak. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, a dit à ce sujet, on a dit qu'il a voulu pratiquer le siwak à l'approche de la sortie de sa noble âme, et ce en raison de la présence des anges. Et Salman, radiyallahu anhu, a ordonné à sa femme, alors qu'il s'apprêtait à mourir, de parfumer l'endroit avec du musc en raison de la présence des anges. Donc il est recommandé pour la personne dans cette situation d'utiliser le siwak. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, parmi les questions liées au siwak, on peut mentionner aussi qu'il est recommandé de commencer par la droite lorsque l'on frotte sa bouche et ses dents avec le siwak. Et ce, d'après la généralité du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble des choses. » Et est-ce que on pratique le siwak avec la main gauche ou avec la main droite? Certains parmi les gens de science ont dit « on utilise la main gauche ». car cela relève du nettoyage et de la purification. D'autres ont dit, on utilise la main gauche si on le fait pour se nettoyer et se purifier, et on utilise la main droite si on le fait simplement pour pratiquer la sunna, comme avant la prière par exemple. Et d'autres gens de science ont dit que la question à ce sujet est large, que si la personne utilise sa main droite, il n'y a pas de gêne, et si elle utilise sa main gauche, il n'y a pas de gêne également. Wallahu ta'ala a'lam. La quatrième pratique, inhérente à la fitra, mentionnée ici, est le fait de tailler la moustache, qui correspond à la pilosité qui se trouve au-dessus de la lèvre supérieure. Et ce car cela est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha que l'on a mentionné au début de ce chapitre. Et ceci a lieu en taillant la moustache de sorte à ce que la partie supérieure de la lèvre apparaisse. Et le mieux est de tailler la moustache de très près, de sorte à ce que l'on voit la blancheur de la peau. Et il n'est pas recommandé de la raser. Et les gens de science ont dit, en grande majorité, que le fait de tailler la moustache est une chose recommandée et non obligatoire. Toutefois, certains ont dit que ceci est une obligation, et ils ont pris pour argument la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique qui a dit « Celui qui ne prend pas de sa moustache ne fait pas partie de nous. » C'est-à-dire il n'est pas sur notre voie, il ne s'est pas conformé à notre sunnah. Mais en faisant cela, en laissant pousser sa moustache, il s'est assimilé aux majous, aux adorateurs du feu et aux mécréants. Et c'est en se basant sur ce hadith que certains savants, comme l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ont dit qu'il était obligatoire de tailler la moustache et de ne pas la laisser pousser. Et on rapporte d'ailleurs de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'il coupait ses ongles et se taillait la moustache chaque vendredi. Ceci est donc une chose que la personne ne doit pas négliger. Et ceci fait partie de la perfection de la purification et la propreté. En effet, si la personne laisse pousser sa moustache, il se peut que lorsqu'elle boit ou lorsqu'elle mange, celle-ci se mêle à sa boisson et à sa nourriture, Wallahu al-musta'an. Enfin, la cinquième pratique inhérente à la fitra est liée à la tête et au visage et le fait de laisser pousser la barbe librement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans de nombreux hadiths authentiques rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala « Ahful liha, waffirul liha, awfirul liha, arkhul liha ». Et le sens de ces ordres dans ces hadiths est de laisser pousser les barbes librement et de ne prendre rien de celles-ci. Et ceci est une obligation comme le démontre très clairement l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths. Il est donc interdit pour l'homme de prendre quoi que ce soit de sa barbe. Et il est strictement interdit à l'unanimité de raser sa barbe. Et ce car ceci est considéré comme une défiguration. Et il y a en cela une assimilation aux femmes. Et est-ce qu'il est permis de retirer de la barbe ce qui dépasse du poignet? Certains parmi les gens de science ont dit que cela n'était pas détestable, et ils se sont basés sur certains récits rapportés de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Toutefois, les gens de science comme l'imam ibn Baz, l'imam ibn Uthaymin, rahimahumallahu ta'ala et d'autres, ont dit qu'il était strictement interdit de prendre quoi que ce soit de la barbe, même ce qui dépasse d'une poignée. Et ce car les hadiths sont généraux, et ordonnent de laisser pousser la barbe librement, sans préciser une limite à ce sujet. Quant à ce qui est rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, alors ils ont dit que c'est un effort de réflexion de sa part. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a dit « Wallati fil jasad » quant à celles qui sont liées au corps, les pratiques inhérentes à la fitra sur le corps. « Halqul 'ana » le fait de se raser le pubis, la partie supérieure aux parties génitales et ce qu'il y a autour, pour les hommes comme pour les femmes. Et les gens de science ont mentionné que cela n'est pas une condition de raser, mais il est possible aussi de couper, d'épiler, d'utiliser les moyens modernes comme une tondeuse ou autre, et il n'y a pas de gêne en cela. La deuxième chose, il dit, wanatful ibtayn, et l'épilation des aisselles. Et de la même manière, ce n'est pas une condition d'épiler, mais il est possible de raser, de couper, de tondre ou autre, et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Et il est recommandé de commencer par la droite. Et ces deux pratiques sont des pratiques qui permettent à la personne de s'embellir et de se purifier. En effet, le délaissement de ces pratiques est une forme d'enlaidissement et également un manque de propreté chez la personne. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتَقْلِيمُ الْأَثْفَارِ, se couper les ongles, comme cela est venu dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Et il n'y a pas de manière particulière, légiférée, de se couper les ongles, mais l'essentiel est de les couper. Et il ne convient pas de les laisser pousser, car ceci s'oppose à ce qui est rapporté dans la sunnah, et il y a en cela une ressemblance aux gens mécréants et pervers. Et ceci est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il ne convient pas de laisser pousser ses ongles. Et s'il ne convient pas de laisser pousser ses ongles qui sont naturels, alors il est d'autant plus interdit de se faire poser de faux ongles, comme cela est répandu chez nombre de personnes influencées par les modes répandues chez les gens pervers et mécréants, wal'iyadu billah. La quatrième pratique, il dit, al-istinja, qui consiste à se nettoyer avec de l'eau après avoir fait ses besoins pour se purifier. Et on peut également le faire avec des pierres, du papier ou autre, et ceci s'appelle al-istijmar. Et ceci est une obligation. À partir du moment où la personne fait ses besoins, il est obligatoire pour elle, si elle souhaite accomplir la prière après cela, de se purifier en pratiquant al-istinja avec de l'eau ou al-istijmar avec des pierres, du papier ou autre chose semblable. Et cela n'est pas demandé ni nécessaire suite à la sortie d'un vent. Et également, suite à la sortie d'une chose pure, il n'est pas nécessaire de pratiquer al-istinja, comme c'est le cas en ce qui concerne les pertes blanches chez les femmes. Enfin, la cinquième pratique qu'il a mentionnée, liée au corps, et qui est la dixième parmi les pratiques inhérentes à la fitra, c'est la circoncision, qui est une obligation pour les hommes, et qui consiste à retirer le morceau de peau qui recouvre la partie supérieure de la partie génitale de l'homme, et ce, afin que celle-ci reste apparente et que ce morceau de peau ne soit plus présent car derrière celui-ci s'accumulent des souillures et des saletés. Donc ceci fait partie de la perfection, de la purification et de la propreté. Enfin, parmi les questions à mentionner concernant ces pratiques, nous pouvons citer qu'il est recommandé de pratiquer cela chaque vendredi avant de se rendre à la prière. Comme cela est rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui se coupait les ongles et taillait sa moustache chaque vendredi. Et si la personne ne le fait pas chaque vendredi, alors elle doit veiller à ne pas délaisser cela plus de 40 jours. Car il est détestable de laisser passer plus de 40 jours sans mettre en pratique les choses que l'on vient de mentionner. Et ce d'après le hadith de Anas radiyallahu anhu rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala qui a dit « On a déterminé pour nous comme temps pour tailler la moustache, couper les ongles, épiler les aisselles, raser le pubis, de ne pas délaisser ça plus de 40 jours. » Et en se basant sur cela, certains savants comme l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala ont dit qu'il était interdit de délaisser cela plus de 40 jours. Et concernant la moustache et les ongles, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit que si la personne délaissait cela le vendredi, elle deviendrait semblable à une bête sauvage. C'est pour cela qu'il ne convient à la personne de veiller à la pratique de ses actes relevant de la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam et des messagers des prophètes avant lui, et ceci relève de la perfection, de la purification. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Faslun, wa yukrah natfu shayb, faqad warada fil hadith annahu nurullah. » Et il est détestable de s'arracher les cheveux blancs. Et il est certes venu dans le hadith qu'ils sont la lumière d'Allah. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a certainement dû faire à lapsus en écrivant ce hadith, car ce qui est rapporté dans le hadith est que ils sont Nourul Muslim, la lumière du musulman, comme cela est rapporté dans un hadith authentique par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'arracher les cheveux blancs et il a dit que c'est la lumière du musulman. Il est donc détestable pour la personne de s'arracher les cheveux blancs de la tête ou de la barbe. Et l'imam ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que concernant les poils du visage, de la barbe et autres, ceci est interdit, c'est haram. Et concernant le reste, ceci est détestable. Il dit, rahimahullah, « Wa huwa aydan nadhirul maut » et ses cheveux blancs sont aussi un avertisseur de la mort. C'est-à-dire que chaque cheveu blanc qui pousse te rappelle l'approche de ton terme et l'arrivée de la mort. Il est venu dans un récit qu'il n'y a pas un cheveu blanc qui pousse sans qu'il ne dise aux autres cheveux « Prépare-toi, la mort approche ». Donc lorsque la personne prend de l'âge et qu'elle voit les signes de la vieillesse apparaître sur son corps, ceci lui rappelle le terme de sa vie. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Wa yuqassiru al-amal » et cela restreint les espoirs. Al-amal, c'est-à-dire l'attachement du cœur et le désir d'obtenir une chose aimée dans l'avenir. Ceci est restreint par le rappel de la mort, et entre dans cela l'apparition des cheveux blancs. Ceci doit pousser la personne à renoncer à ce bas monde, à cesser d'avoir de grands espoirs, comme s'il allait vivre éternellement dans ce bas monde, à ne pas se préoccuper et ne pas donner de l'importance aux choses éphémères de ce bas monde, et à diminuer le désir des plaisirs mondains. Mais l'homme doué de raison doit plutôt profiter de son temps, profiter des heures de sa vie pour préparer ses provisions pour l'au-delà. Car ce bas monde est voué à disparaître. Aussi longue soit la vie de la personne, celle-ci aura inévitablement une fin. Car cette demeure est une demeure de passage. Ce n'est pas une demeure de résidence. On rapporte d'Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah ta'ala, qu'il disait « Il fait partie du malheur d'avoir de longs espoirs, et il fait partie du bonheur et des délices de réduire ses espoirs, c'est-à-dire ses espoirs en ce bas monde. » Et on rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il disait « Nul parmi les serviteurs n'a de longs espoirs sans que cela n'ait pour conséquence qu'il devienne malfaisant. » C'est-à-dire que plus les espoirs de la personne en ce bas monde sont longs, plus il est malfaisant dans ses actions. En effet, s'il pense qu'il va vivre longtemps, il va sans cesse repousser l'obéissance à Allah au lendemain. Il pense à des choses qu'il veut accomplir et il les repousse au lendemain. Je ferai cela demain, je ferai cela la semaine prochaine, je ferai cela dans un an, dans deux ans, dans trois ans et ainsi de suite. Alors qu'il ne sait même pas s'il sera encore vivant dans une heure. Et le fait de repousser sans cesse ces choses le pousse à mal agir, à négliger les ordres d'Allah et à transgresser les interdits d'Allah. Et c'est pour cela qu'il fait partie des signes nous indiquant qu'une personne est douée de raison que ses espoirs en ce bas monde soient courts et que ses espoirs en ce qui leur rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala soient longs. C'est pour cela que on rapporte d'Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qu'il disait que le fait d'avoir de longs espoirs est blâmable en ce qui concerne les gens de manière générale, car leurs espoirs sont liés aux choses mondaines en réalité. Mais en ce qui concerne les savants, il leur convient d'avoir de longs espoirs. Pourquoi? Car ceci va les pousser à s'investir dans la science, dans l'apprentissage de la science, dans la diffusion de cette science, dans l'écriture de livres, et ainsi de suite parmi les projets bénéfiques qui les rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa huwa nadhirul maut, wa yuqassirul amal, wa hathun ala husnil amal. » Donc, les cheveux blancs sont un avertisseur de la mort. Ils réduisent les espoirs, ils les restreignent, et ils encouragent à parfaire les œuvres. En effet, plus la personne est âgée, plus elle est censée prendre en maturité. Car le fait de prendre de l'âge lui indique qu'elle est sortie de l'enfance, que le temps des distractions est terminé. Le temps où la plume était levée est terminé. Chacune de tes actions est désormais notée et inscrite, et tu auras des comptes à rendre à ce sujet. Donc, tu dois être conscient que ta vie a un terme et qu'il est nécessaire pour toi de préparer tes provisions. Et toute personne douée de raison devra veiller à agir de la meilleure manière, que ce soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vis-à-vis de ses créatures, en s'acquittant des droits d'Allah et en lui vouant un culte exclusif, et en s'acquittant des droits à l'égard des gens, à commencer par les plus proches, les parents, les enfants, l'époux, l'épouse, les membres de la famille, les voisins, et ainsi de suite. Et la personne veillera également à multiplier les œuvres de bien, à profiter de son temps, à multiplier les bonnes actions et toute œuvre qui la rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle veillera à accomplir cette œuvre de la meilleure manière. Pourquoi ? Car elle va se rappeler que sa vie a un terme et que cette occasion est peut-être la dernière. C'est pour cela que certains ont dit, si tu souhaites profiter de ta prière, alors dis-toi, peut-être que je ne prierai plus après celle-ci. Peut-être que c'est la dernière. Et si tu fais cela dans ta prière, il n'y a aucun doute que tu l'accompliras de la meilleure manière. Et il en est de même pour l'ensemble des actions qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplis-les comme si c'était la dernière. Et accomplis-les de la meilleure manière. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ces cheveux blancs nous rappellent la mort, que c'est un avertisseur, que ça réduit nos espoirs, que ça nous encourage à parfaire nos œuvres. Et il dit aussi que c'est wa waqar, wa huwa aydan waqar. Et c'est également une forme de dignité. C'est-à-dire que ces cheveux blancs sont un signe de sérieux et de sagesse. Plus la personne vieillit, plus elle est censée être calme et sérieuse dans ses paroles, dans ses agissements et dans sa manière de se comporter avec les gens. Et aujourd'hui, malheureusement, ces nobles comportements et ces nobles signes sont en train de se perdre. Et on voit même des personnes âgées qui agissent comme de jeunes enfants ou de jeunes adolescents, Allah al-Musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il fait partie de la glorification d'Allah d'honorer celui qui a des cheveux blancs parmi les musulmans. C'est-à-dire de l'honorer dans les assises, d'être bon et doux avec lui, de l'écouter lorsqu'il parle, de profiter de son expérience et ainsi de suite. Donc en résumé, on dira à ce sujet que il est détestable d'arracher ses cheveux blancs et interdit en ce qui concerne les poils du visage et plus particulièrement la barbe. Et ces cheveux blancs doivent te rappeler la mort et l'approche de ton terme et te pousser à agir de la meilleure manière pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il termine ce passage en disant « Wa yukrah halq al-qafa illa liman arada al-hijama kadhalika ruya fi as-sunan » Et il est détestable de se raser la nuque, sauf pour celui qui veut faire la hijama. Et c'est ainsi qu'on le rapporte dans les sunan. Et certains ont dit en commentaire que il n'y a pas de texte rapporté à ce sujet dans les sunan, mais certains hadiths rapportés dans d'autres recueils, Wallahu ta'ala a'lam. Quoi qu'il en soit, il est détestable de se raser la nuque. Sauf si on rase la nuque avec la tête, que la personne se rase la tête et va donc raser la nuque avec. Ou alors si elle se rase la nuque pour un besoin comme la pratique de la hijama. Et certains ont dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné cette question afin d'attirer notre attention également sur l'interdiction de raser seulement une partie de la tête sans la raser en entière. Et c'est ce que l'on appelle al-qaza, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de laisser une partie des cheveux et de raser une autre partie de la tête. Cette coupe de cheveux qui malheureusement est répandue chez nombre de musulmans, Allah al-Musta'an, et ce car, au lieu de prendre pour modèle les meilleurs des hommes, et plus particulièrement notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris pour modèle des gens pervers et déviants, wal'iyadu billah. Donc le musulman, il doit veiller à mettre en pratique sa religion intérieurement et extérieurement. Et entre dans cela le fait qu'il s'applique à la mise en pratique de ces règles religieuses qui aujourd'hui sont propagées parmi les gens et connues de tous. Ce ne sont pas des choses ignorées. Malheureusement, ces pratiques mauvaises sont répandues et le délaissement des pratiques religieuses est fréquent, alors que Ces choses sont connues parmi les gens et ne sont pas ignorées. Et ceci est d'autant plus grave. Wallahu al-musta'an. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, les paroles suivantes de l'auteur qui concernent les visites et les politesses liées au repas. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.